بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، لونج الله سبحانه وتعالى en cette nuit du 20 رمضان من 1441 qui correspond au 12 mai 2020, on se retrouve sur les ondes de Radio Taqwa pour un rappel concernant l'itikaf, ce qu'on traduit par la retraite spirituelle. Et nous prenons ce rappel du chapitre de l'itikaf dans Umdat al-Ahkam avec l'explication de Cheikh al-Uthaymeen rahimahullah ta'ala, Tanbih al-Afham. قال المصنف رحمه الله باب الاعتكاف. الاعتكاف لغة وشرعا، في اللغة لزوم الشيء والمواظبة عليه، وفي الشرع الإقامة في المسجد تقربا إلى الله تعالى وتفرغا لطاعته، وهو مشروع بالكتاب والسنة قولا من النبي صلى الله عليه وسلم وفعلا وإقرارا لما فيه من التفرغ لعبادة الله تعالى وتخلي القلب والبدن عن مشاغل الدنيا. قال الله تعالى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف ويأمر أصحابه به ويراهم يعتكفون فيقرهم عليه. وقال الإمام أحمد رحمه الله لا أعلم عن أحد من العلماء خلاف أن الاعتكاف مسنون. Et donc, ce chapitre qui est le chapitre de la retraite spirituelle, on commence par la définition de l'itikaf. L'itikaf, sa définition linguistiquement et au niveau de la législation aussi, au niveau linguistique et au niveau de la législation. Au niveau linguistique, c'est la persévérance sur une chose. C'est pour persévérer sur une chose. Au niveau de la législation, c'est le fait de rester à la mosquée dans le but de se rapprocher d'Allah et de se libérer pour l'adoration d'Allah. L'itikaf est légiféré par le livre et la sunna. Dans la sunna, au niveau de la parole du prophète alayhi salam, et au niveau de sa pratique alayhi salam, et au niveau de son approbation alayhi salam. L'itikaf a pour intérêt de se libérer pour l'adoration d'Allah et de se concentrer avec son corps et son cœur dans l'adoration en se libérant de toute occupation mondaine. Il est dit dans le verset qui est cité dans ce chapitre, dans la traduction approximative du sens du verset, nous dit ceci: et nous avons révélé à Ibrahim ainsi qu'Ismaïl ceci: purifiez ma maison pour ceux qui y font tawaf, et ceux qui y font la retraite pieuse, et ceux qui s'y inclinent et s'y prosternent. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait l'itikaf, et il a ordonné à ses compagnons de le faire, et il les a approuvés quand il les voyait en itikaf. L'imam Ahmad rahimahullah a dit: je connais pas un homme de science qui dit que l'itikaf n'est pas une sunna. الحديث الأول عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله عز وجل، ثم اعتكف أزواجه بعده. وفي لفظ كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل رمضان، فإذا صلى الغداة جاء مكانه الذي اعتكف فيه. Donc le premier hadith dans ce chapitre qui est le hadith numéro 203 dans le livre de Umdat al-Ahkam, Aïcha a dit que le messager d'Allah accomplissait l'itikaf lors des deux derniers jours du mois de Ramadan, jusqu'à sa mort, alayhi salatu wassalam, et ses épouses l'ont accompli aussi après le décès du prophète, alayhi salatu wassalam. Dans une autre version, Aïcha a dit le messager d'Allah accomplissait l'itikaf chaque Ramadan, et le premier jour de l'itikaf, dès qu'il termine la prière du matin, il regagne sa place préparée pour son itikaf dans la mosquée. موضوع الحديث حكم الاعتكاف ومتى يدخل المعتكف معتكفه. Le sujet du hadith, le statut de l'i'tikaf, et à quel moment celui qui veut faire la retraite spirituelle regarde la place de son i'tikaf dans la mosquée. شرح الكلمات ك يعتكف يقيم في المسجد تقربا الى الله تعالى وتفرغا لطاعته. العشر الاواخر سبقت في الحديث توفاه الله قبضه بالموت عز غلب وقهر جل عظم ازواجه نساؤه في كل رمضان بتنوين رمضان اي في كل رمضان يمر عليه من كل عام بعد ان اعلم ان ليله القدر في العشر الاواخر صلى الغداة اي صلى صلاه الغداة وهي صلاه الفجر مكانه مكان اعتكافه وهو خباء صغير يضرب في رحبة المسجد الذي اعتكف فيه أي الذي كان معتكفا فيه. الشرح الإجمالي تخبر عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ملازما للاعتكاف في كل عام في العشر الأواخر من رمضان حين أعلم أن ليلة القدر فيها حتى توفاه الله عز وجل. وأشارتنا إلى أن الحكم غير منسوخ ولا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم فقد اعتكف نساء النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته. وفي اللفظ الثاني تبين رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل معتكفه إذا صلى الفجر لينفرد فيه عن الناس بعد أن كان معهم في المسجد. Donc, le sens général du hadith, Cheikh Al-Uthaymeen nous dit que Aïcha annonce que le prophète a.s. persévère dans l'i'tikaf chaque année dans les 10 derniers jours de Ramadan. Quand il lui a été annoncé que Laylat al-Qadr se trouvait dans les 10 dernières nuits de Ramadan. Et cela jusqu'à la fin de sa vie. Et donc, avant, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a fait l'i'tikaf les 10 premiers jours de Ramadan. Et il l'a fait les 10 jours médians du mois de Ramadan. Et là, quand il lui a été annoncé que Laylatul Qadr se trouve dans les 10 dernières nuits, il a fait constamment, il a persévéré dans l'i'tikaf toute sa vie jusqu'à sa mort, alayhi salatu wassalam. Aïcha a attiré l'attention sur le fait que le statut de l'i'tikaf n'est pas abrogé et que ce n'est pas un acte qui est spécifique au prophète a.s. Les épouses du prophète a.s. l'ont accompli après son décès a.s. radiyallahu anhunna. Et dans la deuxième expression du hadith de Aïcha, Aïcha clarifie que le prophète regagnait la place réservée à son i'tikaf après la prière de Salat al-Fajr, après la prière de l'Fajr, après l'obligation du Fajr du premier jour de l'i'tikaf, pour s'isoler des gens, alors qu'il était en leur compagnie dans la mosquée. Fawaïd al-Hadith, al-Fa'idatul Oula, مشروعية الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان. Les leçons du hadith. La première leçon, l'i'tikaf est légiféré dans les dix derniers jours de Ramadan. ثانيا حكمه باق لم ينسخ. Deuxième leçon qu'on apprend dans ce hadith, le statut de l'i'tikaf n'est pas abrogé. Donc l'i'tikaf c'est toujours une sunna. ثالثا مشروعية اعتكاف النساء لكن بشرط أن لا يحصل به فتنة. La troisième leçon, l'i'tikaf est légiféré pour les femmes à condition que ça ne soit pas la cause de فتنة. رابعا جواز ضرب خباء للمعتكف في المسجد يعتكف فيه لكن بشرط أن لا يضيق على المصلين. Et la quatrième leçon à apprendre dans ces hadiths, il est permis de délimiter son lieu de i'tikaf par une tente ou un paravent ou autre, à condition que ça ne gêne pas les prieurs dans la mosquée et que ça ne rétrécisse pas la surface de la mosquée pour les prieurs. La cinquième leçon, mashru'iyatun firadi fi mu'takafihi illa li maslaha. La cinquième leçon, il est légiféré de s'isoler dans l'endroit de son i'tikaf, sauf s'il y a un intérêt à se mélanger aux autres. الحديث الثاني عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت ترجل النبي صلى الله عليه وسلم وهي حائض وهو معتكف في المسجد وهي في حجرتها يناولها رأسه وفي رواية وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان وفي رواية أن عائشة رضي الله عنها قالت إن كنت لأدخل البيت للحاجة والمريض فيه فما أسأل عنه إلا وأنا مارة. Et donc, le deuxième hadith qui est le hadith numéro 204 dans Umdat al-Ahkam et le deuxième hadith dans ce chapitre de l'Irtikaf. Aïcha rapporte qu'il coiffait le prophète alayhi salam alors qu'il avait ses menstrues. Le prophète était en Irtikaf dans la mosquée et Aïcha se trouvait dans sa chambre. Et le prophète penchait sa tête vers elle et dans une version, le prophète ne rentrait à la maison que pour ses besoins. Et dans une autre version, Aïcha a dit, lorsque je faisais la retraite spirituelle, je ne regagnais la maison que pour les besoins. Et si un malade s'y trouve, je demandais de ses nouvelles tout en marchant. C'est-à-dire, il ne s'arrête pas auprès de lui. موضوع الحديث حكم خروج المعتكف أو جزء من بدنه من المسجد. Le sujet du hadith, le statut de sortir une partie. Le statut de sortir une partie de son corps pendant l'i'tikaf et le statut de la sortie du mu'takif de la mosquée pour un intérêt et pour ses besoins naturels. شرح الكلمات ترجل النبي تسرح شعر رأسه وتدهنه وهي حائض الجملة حال من فاعل ترجل وهو معتكف في المسجد الجملة حال من النبي حجرتها بيتها وكانت لاصقة بالمسجد من الناحية الشرقية وفيها دفن صلى الله عليه وسلم يناولها يمد إليها البيت المراد به الجنس فيشمل جميع بيوته لحاجة الإنسان أي البول والغائط إن كنت إن مخففة من التقيل وهي للتوكيد للحاجة أي للبول أو الغائط عنه أي عن المريض مارة عابرة بدون وقوف عنده أو تعريج عليه. الشرح الإجمالي للحديث تخبر عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمد إليها رأسه في حجرتها وهو معتكف في المسجد فترجله وهي حائض وأنه كان لا يخرج من المسجد إلا لحاجة البول أو الغائط حتى يضطر إلى الخروج حيث يضطر إلى الخروج لذلك وتخبر عن نفسها أنها إذا اعتكفت لا تخرج من المسجد إلا للحاجة ولا ترى بأسا أن تسأل عن المريض في البيت من غير أن تقف عنده أو تعرج عليه. Le sens général du hadith, Cheikh Al-Uthaymeen nous dit, Rahimahullah, wa askanahu fasiha jannatih, Aïcha annonce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était en i'tikaf dans la mosquée. Il penchait sa tête vers Aïcha qui était dans sa chambre pour que Aïcha lui coiffe la tête et lui passe, de l'huile sur ses cheveux. Que Aïcha avait ses menstrues à ce moment-là. Aïcha annonce que le prophète ne sortait de la mosquée lors de l'i'tikaf que pour les besoins naturels. Car on est contraint de sortir pour cela. Aïcha radiallahu anha annonce que quand elle faisait l'i'tikaf, Aïcha ne sortait de la mosquée que pour les besoins naturels. Il ne voit pas de mal ou le fait de demander des nouvelles de malades qui se trouvent dans l'endroit où ils passent, tout en marchant, sans s'arrêter auprès du malade. فوائد الحديث أولا جواز إخراج المعتكف رأسه من المسجد. La première des leçons dans ce hadith, il est permis à المعتكف, à celui qui est en retraite spirituelle, de sortir sa tête de la mosquée. الفائدة الثانية جواز تنظيف المعتكف رأسه ويقاس عليه تنظيف بدنه وثيابه. La deuxième leçon, il est permis à المعتكف de nettoyer sa tête et par l'analogie son corps et ses vêtements. ثالثا جواز استخدام الرجل زوجته فيما جرت به العادة. Troisièmement, il est permis à l'homme de faire appel au service de son épouse pour les choses habituelles. رابعا طهارة بدن الحائض. La quatrième leçon, il nous apprend que le corps de la femme qui est en état de menstruer est pur. خامسا جواز خروج المعتكف لحاجة البول والغائط. La cinquième leçon, il est permis à celui qui est en i'tikaf de sortir pour les besoins naturels. سادسا منع المعتكف من الخروج لعيادة المريض. سادسا la sixième leçon, il est interdit à celui qui est en retraite spirituelle de sortir pour visiter un malade. سابعا جواز سؤال المعتكف عن المريض حال مروره به إذا خرج للحاجة. La septième leçon, il est permis à celui qui est en i'tikaf de demander des nouvelles du malade s'il passe à côté au moment d'aller faire ses besoins. الحديث الثالث عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إني كنت نذرت في الحج في الجاهلية أن أعتكف ليلة وفي رواية يوما في المسجد الحرام قال فأوفي بنذرك ولم يذكر بعض الرواة يوما ولا ليلة. Donc le troisième hadith dans ce chapitre de l'i'tikaf qui est le hadith numéro 205 dans Umdat al-Ahkam, Omar ibn al-Khattab a dit en interrogeant le messager alayhi salatu wassalam, ô messager d'Allah, pendant la période pré-islamique, j'ai fait le vœu d'observer l'i'tikaf pendant une nuit et dans une version un jour dans la mosquée sacrée. Le messager lui a dit, acquitte-toi de ton vœu. Certains rapportent le hadith sans préciser un jour ou une nuit. موضوع الحديث حكم الوفاء بالاعتكاف المنذور. Le sujet du hadith, le statut de respecter l'i'tikaf qu'on s'est imposé par un serment, c'est-à-dire par un vœu. شرح الكلمات قلت أي كنت سائلا وكان هذا السؤال في الجعرانة حين رجع النبي صلى الله عليه وسلم من حنين نذرت أوجبت لله على نفسي في الجاهلية أو في زمن الجاهلية وهي ما قبل الإسلام سميت بذلك لغلبة الجهل على أهلها ليلى وفي رواية يوما لا منافة بين الروايتين لأن الليل يدخل فيها اليوم والعكس بالعكس المسجد الحرام المسجد ذي الحرمة وهو الذي فيه الكعبة أوفي بنذرك أده كاملا وافيا. الشرح الإجمالي لم يزل عند الناس في الجاهلية بقايا من دين إسماعيل عليه الصلاة والسلام ومن ذلك الاعتكاف. وفي هذا الحديث يخبر عمر بن الخطاب أنه نذر في الجاهلية أن يعتكف ليلة ويوما في المسجد الحرام فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فأمره أن يوفي بنذره. Et donc le sens général du hadith nous dit Cheikh Rahmatullah Alayh, chez les gens de la période pré-islamique subsistaient encore quelques restes de la religion de l'Ismaïl alayhi salatu wassalam. Et parmi cela, al-i'tikaf. Dans ce hadith, Omar ibn al-Khattab annonce qu'il avait fait lors de la période pré-islamique le vœu de faire l'i'tikaf une nuit ou un jour dans la mosquée sacrée. Et quand il a interrogé le prophète alayhi salam, le prophète lui a ordonné de s'acquitter de son vœu. ونأتي إلى فوائد الحديث. يقول الشيخ رحمه الله أولا صحة نذر العبادة من الكافر حال كفره. La première des leçons à retenir dans ce hadith, la validité du vœu de l'adoration du mécréant lors de sa mécréance. Que son vœu d'adoration si l'adoration est légiférée, ben il est valide. Il doit l'accomplir. Comme a fait Omar ibn Khattab, radiyallahu anhu arda. Taniyan wujub al-wafa'i alayhi bihi idha aslama illam yufi bihi ala kufrihi. La deuxième leçon, l'obligation qu'il doit son, l'obligation de s'en acquitter quand il rentre dans l'islam, s'il s'en est pas acquitté lors de sa mécréance. Talitan, rabi'an, ثالثا وجوب الوفاء بالاعتكاف المنذور. La troisième leçon, l'obligation de s'acquitter de l'i'tikaf qu'on s'est imposé par un serment. Il est obligatoire de s'en acquitter. رابعا تعين المسجد الحرام إذا نذر العبادة فيه. Il sait, il spécifie la mosquée sacrée pour son serment. Il se doit d'y accomplir l'adoration pour laquelle il a fait le serment qu'il doit l'accomplir dans la mosquée sacrée, que ce soit l'i'tikaf ou autre. Khamisan, sihhatu l'i'tikaf biduni sawm. La cinquième leçon, la validité de l'i'tikaf sans jeûne. C'est-à-dire qu'il est permis de faire l'i'tikaf sans jeûner. Sadisan, hirsu as-sahabati radiyallahu anhum ala al-ilmi. La 16e leçon, le désir ardent des compagnons pour la science. Ils tenaient vraiment à l'apprentissage de leur religion et à savoir ce qui va leur être bénéfique dans leur bas monde et dans leur au-delà et dans leur religion. Radiallahu anhum wa ardahum. D'où l'obligation de les suivre en tout. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala les agrée. Le hadith al-rabi' an Safiya bint حيي رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم معتكفا فأتيته أزوره ليلا فحدثته ثم قمت لأنقلب فقام معي ليقلبني وكان مسكنها في دار أسامة بن زيد فمر رجلان من الأنصار فلما رأيا رسول الله صلى الله عليه وسلم أسرعا فقال النبي صلى الله عليه وسلم على رسلكما إنها صفية بنت حيي فقال سبحان الله يا رسول الله فقال إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شرا أو قال شيئا الحمد لله وفي رواية أنها جاءت تزوره في اعتكافه في المسجد في العشر الأواخر من رمضان فحدثت عنده ساعة ثم قامت تنقلب فقام النبي صلى الله عليه وسلم يقلبها حتى إذا بلغت باب المسجد عند باب أم سلمة ذكره بمعناه. Donc le quatrième hadith que cite dans Umdat al-Ahkam, dans le chapitre qui est le numéro 206 dans Umdat al-Ahkam, Safiya ibn Huyay, qui est l'une des femmes du prophète عليه الصلاة والسلام, l'une de nos mères et l'une des mères des croyants, a dit رضي الله عنه وارضاها: une nuit, je rendis visite au prophète alayhi salam, alors qu'il était en i'tikaf. Je m'entretins avec lui, puis je me lève pour le quitter, et il m'accompagna jusqu'à la porte. Sa maison, c'est-à-dire la maison de Safiya, était celle qui est devenue la maison d'Usama ibn Zayd par la suite. Et à ce moment, deux hommes parmi l'Ansar passèrent. Et à la vue du prophète alayhi salatu salam avec Safiya, ils pressèrent le pas. Le prophète leur a dit doucement: c'est Safiya bint Huyay. Ils dirent: Subhanallah, ô messager d'Allah. Le prophète leur a dit: Ash-shaytan se déplace dans le corps de la descendance d'Adam comme le sang, et j'ai peur qu'il jette dans vos cœurs des insufflations néfastes. Dans une autre version du Muslim, Safiya a rendu visite au prophète sallallahu alayhi wa sallam durant son i'tikaf dans la mosquée pendant les 10 dernières nuits de Ramadan. Et il a discuté avec lui un moment, puis il se leva, Safiya se leva pour rentrer chez elle. Le prophète l'accompagna et quand il est arrivé à la porte de la mosquée au niveau de la porte de la maison de Umm Salama, puis il cita le reste du hadith cité à l'instant. الراوي هي أم المؤمنين صفية بنت حويي بن أخطب سيد بن النضير من ذرية هارون بن عمران أخي موسى بن عمران أخي موسى بن عمران وشريكه في الرسالة عليهما الصلاة والسلام، وأمها من بني قريظة كانت تحت سلام بن مشكم القرظي ففارقها، ثم تزوجت كنانة بن الربيع النضيري فقتل عنها يوم خيبر، فوقعت في السبيل دحية بن خليفة الكلبي، فجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أعطيت دحية ابنة سيد النضير وقريظة، لا تصلح إلا لك، فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم وأعطى دحية بدلها، وعرض عليها الإسلام فأسلمت واصطفاها لنفسه، ثم اعتقها وجعل عتقها صداقها، وكانت حليمة عاقلة من خيرة النساء عبادة وزهادة وبرا وصدقة، توفيت في رمضان سنة 50 رضي الله عنها. إذنك transmetteur de hadith ici, c'est Safiya bint Huyay ibn Abi Akhtab, le chef de Bani Nadir. Ici, l'une des mères des croyants et des croyantes. Safiya, elle est de la descendance de Harun ibn Imran, le frère de Moussa ibn Imran. Il a associé de Moussa a.s. dans le message. La mère de Safiya fait partie et de la tribu juive Banu Qurayza. Et Safiya était mariée à Salam ibn Mishkam al-Quradhi. Et il s'est séparé d'elle. Et puis Safiya s'est mariée avec Kanana ibn Rabi' al-Nadhiri, c'est-à-dire de la tribu juive Banu Nadhir, qui a été tué lors de la bataille de Khaybar. Et puis Safiya, qui faisait partie du butin de cette bataille, a été donnée pour sa part à Dihya ibn Khalifa al-Kalbi, radiyallahu anhu wa arda. Un homme est venu voir le prophète alayhi sallatu wassalam. Et il a dit au messager alayhi sallatu wassalam: tu as donné à Dihya Safiya, la fille du chef de Bani Nadir de Qurayza. Il ne convient qu'à toi, au messager d'Allah. Le prophète l'a reprise à Dihya et il l'a remplacé par une autre. Le prophète, alayhi salatu wassalam, a proposé l'islam à Safiya. Et celle-ci a accepté, radiyallahu anha wa ardaha. Le prophète l'a affranchi, il s'est marié avec elle et sa dot était son affranchissement. Safiya était sage, douée d'une grande oraison et d'une grande intelligence. Il faisait partie des meilleures femmes dans l'adoration et il était zahida. Il ne donnait pas l'importance à ce bas monde. Il faisait beaucoup de bien. Il faisait beaucoup de charité, radiyallahu anha wa ardaha. Il est mort lors du mois de Ramadan au l'an 50 de l'Hijr, radiyallahu anha wa ardaha. وترجمة من ولد ذكرهم في هذا الحديث، ذكر في الحديث أسامة بن زيد، هو أسامة بن زيد بن حارثة الكلبي، كان أبوه مولا للنبي صلى الله عليه وسلم، وهبته له خديجة رضي الله عنها فاعتقه صلى الله عليه وسلم. ولد أسامة في الإسلام قبل الهجرة بنحو 8 سنين، أمره النبي صلى الله عليه وسلم قبيل وفاته على جيش عظيم إلى الروم يبلغ نحو 3000 فيهم كبار المهاجرين والأنصار، وأقسم صلى الله عليه وسلم أنه كان خليقا للإمارة وعقد له اللواء بيده، وقال: سر إلى موضع قتل أبيك فأوطئهم الخيل، فإن ظفرك الله بهم فأقل اللبث فيهم. فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل مسيره، فنفذه أبو بكر رضي الله عنه، فكان هذا البعث آخر بعث بعثه النبي صلى الله عليه وسلم، وأول بعث بعثه أبو بكر. فصار أسامة وقتل قاتل أبيه، ثم رجع بجيشه سالما غانما، كان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه يكرمه ويفضله في العطاء على ابنه عبد الله بن عمر ويقول إنه أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. اعتزل الفتن ومات في المدينة سنة 54 أو 59. Et donc, il y a aussi un noble compagnon qui est cité ici dans le hadith, Oussama ibn Zayd, Harith al-Kelbi, le fils de l'aimé du prophète, l'aimé et le fils de l'aimé du prophète, alayhi salatu wassalam. Le prophète l'aimait beaucoup comme il aimait beaucoup son père, radiyallahu anhu wa arda. Son père a été offert au prophète, alayhi salatu wassalam, par Khadija, radiyallahu anha. Et Zayd, qui est le père de Sama, était le domestique du prophète, alayhi salatu wassalam. Le messager d'Allah l'avait affranchi. Oussama, qui est le fils de Zayd, est né dans la période islamique, 8 ans avant la hijra, radiyallahu anhu wa arda. Le messager l'a désigné comme commandant, comme émir, avant sa mort, sur une grande armée composée de 3000 hommes. Parmi eux, les plus grands muhajiroun et les plus grands ansar. Alors que Oussama ibn Zayd était jeune, il dépassait à peine les 18 ans. Et le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam l'a désigné comme émir, comme commandant d'une grande armée qui allait combattre les Romains. Le messager a fait le serment que Oussama était digne du poste de commandant et d'émir. Le messager lui a noué l'étendard pour cette bataille avec ses mains, sallallahu alayhi wa sallam. Et il lui a dit, comme il est rapporté chez Tirmidhi, il a dit à Oussama, le prophète a dit à Oussama, va vers l'endroit où ton père a été tué et combat-le, et si tu les vainques, ne reste pas longtemps parmi eux. Le messager d'Allah est mort avant le départ de Oussama. Et Abu Bakr, le messager d'Allah est mort avant le départ de Oussama. Abu Bakr a donné l'ordre du départ de cette armée et cette troupe était la dernière troupe que le prophète a envoyée et à laquelle elle nouait l'étendard et c'était la première troupe à qui Abu Bakr a ordonné le départ radiyallahu anhu wa arda. Oussama est parti et il a tué celui qui avait tué son père. Et il est revenu avec son armée, sain et sauf, vainqueur, avec plein de butin. Et il est revenu vainqueur vers Médine avec beaucoup de butin. Le prince des croyants, Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu wa arda, l'honorait et le privilégiait dans les dons à son fils Abdullah ibn Omar. Et Omar disait, Oussama était celui qui était le plus aimé du messager alayhi salatu wassalam. Et Oussama n'a participé à aucune fitna qu'il y a eu entre eux, les nobles compagnons, radouallah alayhim. Et il est mort à Médine, en l'an 54 ou en l'an 59 de l'Hégire. Wa ja fil hadith kadalik dikru Adam. Adam, huwa Adam ou Abu al-Bashar. خلقه الله تعالى بيده من تراب وجعل نسله من سلالة من ماء مهين من بين أم وأب نفخ الله في آدم من روحه فكان بشرا سويا وعلمه أسماء كل شيء وأسجد له الملائكة وأسكنه وزوجه حواء الجنة ثم أهبطهما إلى الأرض لما أكلا من الشجرة التي نهاهما عن الأكل منها لحكمة بالغة فبت الله منهما ذريتهما ذكورا وإناثا إلى الأرض وجعل منهم النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. Et donc dans le hadith il citait aussi Adam عليه الصلاة والسلام. Adam le père de l'humanité, Allah l'a créé de la terre avec sa main subhanahu wa ta'ala. Il a fait que sa descendance soit d'un liquide vil, d'un père et d'une mère. Allah a soufflé l'âme dans Adam et lui a donné l'aspect humain, et il lui a appris les noms de toutes choses, et il lui a fait prosterner les anges pour le saluer par salutation. Et il a fait habiter, Adam avec Hawa au paradis. Puis il les a fait descendre sur terre après avoir mangé de l'arbre qu'Allah leur a interdit. Et cela pour un grand but. Allah a créé de Adam et de Hawa leur descendance, hommes et femmes sur terre, et il a élu certains parmi leurs descendances. Il les a élus comme prophètes, et d'autres comme véridiques, et d'autres comme martyrs, et d'autres comme vertueux. موضوع الحديث حكم زيارة المعتكف والتحدث معه. Le sujet du hadith, le statut de visiter celui qui est en i'tikaf et le statut de discuter avec lui. شرح الكلمات أزوره أجلس إليه توددا فحدثته فتكلمت معه لأنقلب لأرجع ليقلبني ليرجعني إلى بيتي دار أسامة أي الدار التي آلت إليه بعد رجلان لم تثبت تسميتهما الأنصار وصف غلب على أهل المدينة الذين آووا النبي صلى الله عليه وسلم ونصروه رأيا أبصرا أسرعا مشيا بسرعة على رسلكما على هينتكما لا تسرعا وهو متعلق بمحذوف والتقدير امشيا على رسلكما إنها أي المرأة التي معي صفية بنت حيي اسم إحدى زوجاته عليه الصلاة والسلام واقتصر على ذكر اسمها للعلم بأنها إحداهن وجملة إنها صفية استئنافية لدفع ما يخشى أن يوقعه الشيطان في قلوبهما من شر سبحان الله تنزيها لله عما لا يليق به أي ولا يليق أن يكون رسوله صلى الله عليه وسلم محلا للظن السيء الشيطان اسمه إبليس مأخوذ من شطنة إذا بعد لبعده عن رحمة الله تعالى يجري ينفذ ويسير مجرى الدم أي جريان الدم أو في مكان جريانه أي أن الشيطان يجري في جسم ابن آدم كجريان الدم أو يجري فيه في عروقه التي هي موضع جريان الدم وهو جريان حقيقي لأنه ظاهر اللفظ والعقل لا يمنعه خشيت خفت يقذف يرمي أو قال شك من الراوي ولا يختلف به المعنى لأن الشيء الذي يلقيه الشيطان في قلب ابن آدم لا يكون إلا شرا ساعة زمنا وكان بعد صلاة العشاء باب أم سلمة أي باب حجرتها وكانت قريبة من المسجد كسائر زوجاته رضي الله عنها ورضي عنهن الشرح الإجمالي كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في المسجد في العشر الأواخر من رمضان تقربا إلى الله تعالى وتفرغا لطاعته لالتماس ليلة القدر لكنه لكمال خلقه وحسن معاشرته لأهله يمكنهم من زيارته والتحدث إليه et donc le sens général du hadith le prophète accomplissait l'i'tikaf dans la mosquée les 10 derniers jours de Ramadan pour se rapprocher d'Allah et pour se libérer pour l'obéissance à Allah et pour rechercher Laylatul Qadr. Et comme il était doté d'un noble comportement et d'un comportement complet et des meilleurs des comportements et qu'il avait des bons rapports, les meilleurs rapports avec ses femmes et sa famille, il leur permettait de venir et discuter avec lui lors de son i'tikaf et de le visiter lors de son i'tikaf. وهذا الحديث تخبر أم المؤمنين صفية بنت حيي رضي الله عنها أنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة تزوره وهو في معتكفه في المسجد في العشر الأواخر من رمضان فتتحدث معه ساعة ثم قامت لترجع إلى بيتها. فقام النبي صلى الله عليه وسلم ليردها إلى بيتها تأنيسا لها، حيث لم يكن بيتها لاصقا بالمسجد. فلما بلغ باب المسجد مر به رجلان من الأنصار، فأسرع المشي حياء من النبي صلى الله عليه وسلم حين رأيا معه أهله. إذنك دون سحاديت أم المؤمنين صفية بنت حيي أنونس كيل فنو أم فيزيت إلى كيل فنو إن نوي فيزيت البروفة عليه الصلاة والسلام أبري صلاة العشاء دون سون لوي دو رتريت سبيريتويل à la mosquée durant les dernières nuits de Ramadan. Et que Safiya a dit qu'il s'est entretenu avec le prophète alayhi salatu wasalam pendant un laps de temps. Puis quand Safiya s'est levée pour retourner chez elle, le prophète s'est levé pour la raccompagner, car sa demeure n'était pas collée à la mosquée. Et quand le prophète est arrivé à la porte de la mosquée, deux hommes parmi l'Ansar sont passés à côté, puis par pudeur, ils ont accéléré le pas quand ils ont vu le prophète alayhi salatu wasalam avec son épouse. ولكن ولكمال شفقته صلى الله عليه وسلم ولكمال شفقة النبي صلى الله عليه وسلم على أمته وخوفه عليهم من الشيطان أمرهما أن يمشيا على هينتهما، وأخبرهما أن الذي معه صفية بنت حيي، فاستعظما ذلك وكبر عليهما وقال سبحان الله يا رسول الله تنزيها لله تعالى عما لا يليق به من أن يكون رسوله وأكرم خلقه عليه وأطيبهم عنده محلا لسوء الظن أو أن يظن به ما لا يليق بمقامه، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرهما أن الأمر قد يقع بغير اختيارهما، حيث إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، فلعله أن يوقعهما في المحظور فيقذف في قلوبهما شرا وهما لا يشعران به. Et comme le prophète alayhi salatu wasalam avait une compassion complète pour sa communauté, il y avait une peur pour eux du shaitan, il a ordonné à ses deux nobles compagnons de marcher normalement. Et il leur a annoncé qu'il est en compagnie de Safiya bint Huyay. Et tout le monde sait que Safiya est la femme du prophète alayhi salatu wasalam. Et cela était lourd pour ses deux compagnons. Et ils ont dit Subhanallah, ô messager d'Allah, Subhanallah, ô messager, en exemptant Allah de ce qu'il ne sait pas à sa majesté, et en rejetant l'idée d'avoir une mauvaise pensée sur le messager d'Allah et sur sa plus noble créature. Alayhi salatu wasalam. Le messager, alayhi salatu wasalam, leur a annoncé que cela peut arriver sans qu'il l'ait voulu, car Shaitan se déplace dans le corps de l'être humain, comme le sang dans les veines, de la descendance de Adam. Et peut-être, il les fera tomber dans ce qui est interdit, en jetant dans leur cœur des mauvaises pensées, sans qu'ils ne le se rendent compte. يقول رحمه الله فوائد الحديث: أولا جواز زيارة المعتكف والتحدث معه بشرط أن لا يشغله عن مقصود الاعتكاف. Premièrement, la première des leçons à retenir, il est permis de visiter le معتكف et de discuter avec lui à condition que cela ne le détourne pas du but de son اعتكاف. ثانيا حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم وعشارته لأهله. Deuxièmement, le bon comportement du prophète صلى الله عليه وسلم et son intention à l'égard de ses épouses. Troisièmement, جواز خروج المرأة ليلا لغرض لكن بشرط أن تؤمن الفتنة. Troisièmement, il est permis à la femme de sortir la nuit s'il n'y a pas de danger pour elle et si ça ne va pas causer de fitna. الدرس الرابع أو الفائدة الرابعة شدة تعظيم الصحابة رضي الله عنهم للنبي صلى الله عليه وسلم. La quatrième leçon, la grande révérence que les compagnons avaient pour le prophète عليه الصلاة والسلام. La cinquième leçon, quwwatu ma'rifatihim billahi ta'ala wa ma yaliqu bihi aw la yaliqu bihi subhanahu wa ta'ala. La cinquième leçon, la forte connaissance d'Allah qu'avaient les compagnons ridwanullah alayhim. Ils savaient ce qui sied à la grandeur d'Allah et à sa majesté et ce qui ne sied pas à sa majesté subhanahu wa ta'ala. La al-fa'idatu as-sadisa, جواز خروج المعتكف من المسجد يشيع من زائره للحاجة. La sixième leçon à retenir ici, il est permis à celui qui est en retraite de spirituel de sortir de la mosquée avec celui qui l'a visité s'il y a un intérêt à cela. La septième leçon, شفقة النبي صلى الله عليه وسلم. La septième leçon, c'est la grande compassion du prophète alayhi salatu wasalam pour sa communauté. La huitième leçon, mashru'iyatu ikhbar al-mar'i bima yadfa'u su'a adh-dhanni bih. La huitième leçon, il est légiféré d'annoncer à la personne la chose qui repoussera les mauvaises suspicions et les mauvaises pensées de son esprit. La neuvième leçon, wujubu at-tahaffudh 'amma yuqi'u fi makayid ash-shaytan. La neuvième leçon, l'obligation de se préserver des filets des manigances de Shaitan et de ce qui peut faire tomber dans le filet du Shaitan. La dixième leçon, tasliyat ash-shaytan 'ala ibn Adam haythu yajri minhu majra ad-dam. La dixième leçon, Shaitan s'empare de la descendance d'Adam puisqu'il se déplace dans le corps de la descendance d'Adam comme dans le sang de ses veines. Et Cheikh Al-Uthaymeen, il a dit que c'est un déplacement réel, comme le sang coule dans les veines. Ad-darsu al-fa'idatu al-hadiyatu 'ashra. Mashru'iyatu tasbih Allah ta'ala 'inda at-ta'ajjub, ish'aran bi tanzihi 'amma la yaliqu bihi. La onzième leçon ici, il est légiféré de glorifier Allah et de dire subhanallah quand on s'étonne, quand on est dans situation, on s'est étonné d'une situation ou de quelque chose pour faire comprendre qu'on exempte Allah de ce qu'il ne sied pas à sa grandeur et à sa majesté subhanahu wa ta'ala. Et c'est la fin de ce chapitre l'i'tikaf et de l'interprétation qu'on a fait Cheikh Al-Uthaymeen rahimahullah, qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui octroie le firdaus al-a'la. Fas'al Allah al-azim rabb al-'arsh al-azim bi asma'i al-husna wa sifatihi al-'una an yurzuqna wa iyyakum al-fahma fi ad-din wa yaj'alna wa iyyakum min alladhina yastami'una al-qawla fa yattabi'una ahsana wa sa'alu subhanahu wa ta'ala yaj'alna wa iyyakum min 'utaqa'ihi في هذه الليالي المباركة من نار جهنم من عتقاء الله عز وجل من نار جهنم ونسأله سبحانه وتعالى في هذه الأيام وفي هذا الشهر المبارك أن يرفع هذا الوباء عن محمد عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم وأن يجعله في أعداء أعداء هذا الدين. سأله سبحانه وتعالى أن يوفق ولاة أمور المسلمين لما يحب ويرضاه وأن يرزقهم بطانة صالحة تعينهم على إقامة الدين. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم جزاكم الله خيرا.